de Grèce, d'Asie mineure, recherchant un avenir meilleur. Des marins grecs ont navigué en mer Noire, en Méditerranée. Ils voulaient des comptoirs des terres, plutôt que faire une belle croisière. Ils emportèrent une écriture, une langue, des techniques, une culture. À Marseille, cette colonie née de familles venues de fossés. La légende parle de Protis et de son mariage avec Gyptis. Depuis cette histoire, c'est étrange, on a vu croître les échanges. Comme des grenouilles autour d'une mare, les Grecs observent les barbares. Ils disent qu'il n'y a pas de quoi être fier, d'ignorer les œuvres d'Homère. Ensemble, ils font la fête, la guerre, qui continue même aux enfers. Les Grecs vivent dans des cités, sur un espace délimité. De l'Acropole, on voit théâtre, muraille, agora, dominant une jolie campagne, jusqu'au pied des hautes montagnes. Les gouvernements des cités sont d'une grande diversité. Aristocratie, monarchie, tyrannie, démocratie. Les dieux donnent leur protection dans le sanctuaire, dans les maisons, et vous transforment en héros aux Jeux Pythiques ou aux JO. Comme des grenouilles autour d'une mare, les Grecs observent les barbares. Ils disent qu'il n'y a pas de quoi être fier, d'ignorer les œuvres d'Homère. Ensemble ils font la fête, la guerre, qu'ils continuent même aux enfers. Les Athéniens sont soudés, on le voit au Panathénée. Athéna, déesse protectrice, reçoit des bœufs en sacrifice et un beau vêtement tissé pour s'habiller toute une année. Métèques, esclaves, femmes et enfants sont exclus du gouvernement. Seuls les citoyens votent les lois et l'ostracisme à l'Ecclésia. Contre les Perses, ils s'unirent. Contre les Spartiates, ils fléchirent. Contre la Macédoine, quel panade. Mais pas de quoi en faire une salade. En Macédoine, Alexandre provoqua quelques esclandres. Par des ambitions démesurées, il voulait tout le monde à ses pieds. Ses phalanges lui ont permis de bien guerroyer en Asie, de fonder les Alexandries. Oui, ses mères de vrais génies, comme le savant Ératosthène, grand géographe de Cyrène. Et puis, si je ne m'abuse, Archimède de Syracuse. Culture grecque et orientale, fusionnaire plutôt pas mal. Autour d'une mare, les Grecs observent les barbares. Ils disent qu'il n'y a pas de quoi être fier, d'ignorer les œuvres d'Homère. Comme des grenouilles autour d'une mare, les Grecs observent les barbares. Ils disent qu'il n'y a pas de quoi être fier, d'ignorer les œuvres d'Homère. Comme des grenouilles autour d'une mare. Christophe May. Ouais, ça va, je fais ce que je peux avec ce que j'ai.